Cadeau. Dehors, je vois son vélo, auquel est attachée une petite remorque. À l'intérieur, je distingue des formes grossières sous une couverture que soulève Lila, après qu'elle a roulé des tambours à la bouche. Au son des cymbales, je découvre toute une série de marbres de couleurs que je n'ai jamais eu l'occasion de contempler, et encore moins de sculpter. C'est pour moi? Oui, rien que pour toi. C'est superbe, Lila, superbe. Je peux toucher? Tu as eu ça comment? Un hasard. J'ai revu un copain d'enfance. Il travaille dans une carrière qui appartient à une grande société d'exploitation. Du coup, il a des collègues un peu partout dans le pays, et dans le monde entier. Il peut en avoir d'autres, si tu veux. J'ai pensé au petit de Danka et Lolek. Je t'ai trouvé des marbres roses, des marbres bleus, et même des marbres noirs. On sait jamais. Mais Lolek n'est pas noir, ni Danka. Tu crois que... Je plaisante, Miloche. En tout cas, il y a des marbres noirs pour accueillir tes nuages. Un noir presque parfait. Et regarde aussi ceux-là. Ils sont un peu poussiéreux, mais ce sont des marbres, aussi blancs que la neige. Tu peux faire des anges là-dedans. C'est très beau, très très beau, dis-je en touchant chaque minéral avec gratitude. Je prends Lila dans mes bras en la remerciant chaleureusement. Elle continue, la voix un peu étouffée par mes marques de tendresse. Je suis effacé, voire aimé ce matin. Il t'envoie son bonjour et te souhaite un prompt rétablissement. Ah, c'est gentil. Il va bien? Il y a une éternité que je ne l'ai pas vu. Il va très bien. Je lui ai dit qu'on y passerait la semaine prochaine. Mais pas avec le même attelage que la dernière fois. Sinon, il va y avoir une crise cardiaque de Lila à la rubrique des chiens écrasés. Cette fois-ci, tu vas monter dans la remorque. Ça roule très bien, ces trucs-là. Je dirais même que c'est fait exprès. Bon, c'est du bricolage, mais c'est prévu pour la route, pas comme ta chaise. Je forcerai un peu plus sur les mollets que d'habitude et c'est tout. Ça te dit? Bien sûr que ça me dit. La vie reprend des couleurs dès que celle qui est à mon goût est à mes côtés. Ça n'est formidable. Lila passe la journée à réparer mes stupidités de la veille. Maçonnerie, enlèvement d'étagères, bouchage de trous, nettoyage. Je l'aide maladroitement, comme un grand-père trop vieux qui tente de se prouver qu'il est encore utile au monde. Puis je m'assieds et ne fais qu'observer. C'est bien mieux pour nous deux. Ma maison et moi retrouvons notre aspect initial. Toujours un peu dégâti, un brin passé de mode, encore légèrement désarticulé, mais étanche.